إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب إن شاء الله. Donc on va continuer l'explication du livre qu'on avait commencé, Al-Usul al-Thalatha, et on est en train d'expliquer les points que le Cheikh a mentionné, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il explique que il dit "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allamu arba' masail, al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adillah." Donc, sache que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. La première, c'est d'avoir la science. Et cette science, c'est quoi? C'est de connaître Allah, de connaître son messager et de connaître sa religion avec les preuves du Coran et de la Sunna. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses sur l'islam, mais si tu lui demandes les preuves du Coran et de la Sunna pour supporter chaque point qu'il va mentionner, beaucoup seront incapables de le faire. C'est-à-dire beaucoup de gens seront incapables de ramener des preuves. Donc ça, c'est très important de connaître sa religion, mais de connaître la religion avec les preuves. Et ça, on va y revenir de toute façon lorsqu'on va arriver à ce point-là. Donc on a expliqué la semaine passée la science et qu'est-ce qu'on voulait dire par la science. Et on a expliqué la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie. Maintenant, on rentre dans l'autre partie qui est ma'rifatu nabiyhi, c'est-à-dire de connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, juste avant de commencer, il y a juste un petit point aussi que je voulais faire, juste une note au sujet de la science. C'est de qui on doit prendre la science. C'est très important de faire attention d'où on prend notre science et de qui on l'apprend également. Et on en a parlé dans les cours précédents un peu, mais c'est juste pour expliquer que parfois, surtout à notre époque, on remarque que des gens prennent la connaissance de la religion de n'importe qui. Et ils ne vérifient pas et ils ne font pas attention. Et qu'est-ce qui arrive souvent par la suite? C'est que les gens tombent souvent dans des erreurs, soit dans la croyance ou soit dans la pratique, à cause du fait qu'ils font peu attention aux références et aux sources de qui ils prennent leur religion. Et on a constaté ça, et moi-même je l'ai constaté, parce que étant donné que moi aussi je suis converti, donc je me suis converti depuis une vingtaine d'années, depuis 1991. Donc, une des premières choses que j'ai appris de la part de la personne qui m'a enseigné l'islam, c'est que lorsque quelqu'un te dit quelque chose, il faut toujours demander la preuve. Il faut toujours demander la preuve dans le Coran ou dans la Sunna. Et ça a été pour moi, alhamdoulillah, vraiment une source de protection contre beaucoup d'égarements et beaucoup d'erreurs dans la religion. Parce que malheureusement, des gens font parfois, font peu attention des références d'où ils prennent leur connaissance de l'islam. Et ils prennent un petit peu à gauche, ils prennent un petit peu à droite, ils écoutent d'un ami. Un ami lui dit « Ah, j'ai entendu telle chose », et l'autre lui dit « Ah, j'ai entendu telle chose », ou il lit dans un livre, il ne connaît même pas l'auteur, il ne sait même pas c'est qui cette personne, de qui il a appris. Hein? Donc, je le sais. Hein? Donc, juste comme pour vous donner un exemple, dans la bibliothèque ici, il y a beaucoup de livres dont si tu recherches, par exemple, qui est cet auteur, qui a écrit ce livre, tu vas pas savoir d'où il vient, d'où il a appris. C'est quoi sa croyance? C'est quoi sa méthodologie? C'est quoi sa voie? Donc, c'est très dangereux de prendre notre religion de cette façon-là, de gens qu'on ne connaît pas. puisque de cette façon-là, on risque d'accepter des choses qui sont contraires à l'islam sans savoir. Et c'est vrai que même moi, au début, j'avais pas peut-être justement tout le temps les bons livres, parce que en français et en anglais, les livres sont limités quand même. Donc, on a tendance à vouloir lire tout. Hein. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ça. On apprend des choses parfois incorrectes. Puis, c'est par la suite que, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on tombe sur un autre livre, parfois qui vient corriger qu'est-ce qu'on a appris dans le premier. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, des fois, on peut rester très longtemps avec des mauvaises conceptions de l'islam. Et la raison de ça, c'est parce que parfois on ignore les bonnes sources et les bonnes références. Ok? Et la première chose qui est importante de regarder lorsqu'on prend le livre de quelqu'un ou lorsqu'on apprend la religion de quelqu'un, c'est de connaître sa aqida, sa croyance. Et c'est ça qui va déterminer en fait c'est ça la priorité en fait lorsqu'on regarde de qui on doit prendre notre religion, sa croyance, sa aqida, parce qu'on sait que les musulmans se sont divisés et il y a beaucoup de déviations. Donc, il faut connaître la vérité et il faut connaître les gens qui suivent vraiment le Coran et la Sunna dans la croyance et dans la pratique et qui ne suivent pas des choses inventées ou innovées. Donc, de là l'importance de rechercher les preuves et de vérifier l'authenticité des choses qu'on est en train d'apprendre. Donc, ça, c'est juste un point que je voulais mentionner en premier. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé donc de faire le cours sur ce livre-là en particulier, parce que il donne les croyances de base de l'islam selon les principes et selon les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles, des exemples des sahaba de l'islam. Donc c'est la aqida qui est en accord avec le Coran et la Sunna selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis. Donc du moment qu'on a compris au début notre croyance correctement et qu'on a les preuves sur chaque point, par la suite, c'est plus facile à distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté parfois, c'est que lorsque des gens vont donner des cours ou vont enseigner l'islam, ils vont se concentrer sur d'autres sujets. Et justement, la raison pour laquelle parfois ils passent par d'autres sujets en premier, c'est pour justement éviter de parler de l'aqida, éviter de parler de la croyance, parce que en évitant de parler de la croyance, ils arrivent à gagner la confiance des gens à qui ils s'adressent en leur parlant des sujets que tout le monde aime et que tout le monde accepte sans exception. D'accord? Donc ils vont te parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont te donner des cours par exemple sur le tafsir ou bien sur d'autres thèmes qui sont des thèmes généraux et qui ne traitent pas de la croyance islamique et des fondements de la croyance. Et ils vont en profiter pour infiltrer parfois des idées et des principes qui sont parfois contraires à l'islam, mais la personne qui est nouvelle, qui a peu de connaissances, elle n'est pas capable de les reconnaître ou de les distinguer. Et c'est pour cette raison-là que les savants de l'islam disent que la priorité et la première chose qu'on doit étudier dans l'islam, c'est notre croyance et c'est notre aqida, et que cette aqida doit être basée sur le Coran et sur la Sunna. Et une fois que la personne elle a une croyance qui est correcte et qui est solide avec les preuves, et bien là par la suite elle est capable de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et elle peut justement éviter les erreurs plus facilement. Mais ça ne veut pas dire encore là que la personne va être complètement protégée à 100% ou bien infaillible. Hein? Elle peut toujours tomber dans l'erreur, mais elle doit faire attention. D'accord? Donc, c'est pour ça. Et donc, le cheikh, il dit ici, donc comme deuxième point, après avoir connu Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois connaître son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça implique? Le cheikh, il dit, « مِنَ الْوَاجِبَاتَ الَّتِي لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهَا مَعْرِفَةُ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam وَمَعْرِفَةُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam لَا يَكْفِي الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمَةُ أَنْ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا أَعْرِفُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بأنه محمد ابن عبد الله لا يكفي هذا ولكن يعرف بأنه مرسل من عند الله أنزل الله عليه كتابا وهو الفرقان وأمره بتبيانه وأمره بدعوة الأمة إلى الاعتصام به وما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من سنته الكريمة. Donc le cheikh il dit que parmi les obligations que personne n'est excusé d'ignorer, il y a le fait de connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a ramené, hein, et ce avec quoi il est venu, ce prophète. Et c'est pas suffisant pour un musulman ou une musulmane de dire seulement je connais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je sais qu'il s'appelle Mohammed, fils de Abdullah. C'est pas suffisant juste de savoir ça. Mais il faut que tu saches qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah lui a révélé un livre qui est Al-Furqan, ou bien Al-Furqan ça signifie le discernement entre le vrai et le faux, ou bien on l'appelle aussi Al-Qur'an, parce que le Qur'an il a plusieurs noms. Un de ces noms c'est le Qur'an, mais aussi il a d'autres noms que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran lui-même, comme Al-Furqan. C'est le Coran, le discernement. Et non seulement ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de le clarifier. Donc c'est pas juste qu'il est venu pour dire aux gens ou pour réciter aux gens le Coran. Il lui a ordonné de l'expliquer aux gens en plus. Et l'explication du Coran justement c'est dans sa sunna. C'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a ordonné aux gens de se cramponner et de s'accrocher à cette révélation-là et à ce qu'il a amené dans sa sunna. Et ensuite le cheikh il dit وعليه فستنحصر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التالية. Le cheikh il dit on va mentionner des points pour clarifier sur quelle chose on doit se concentrer pour avoir une connaissance réelle de qu'est-ce qu'on doit connaître au sujet de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va mentionner plusieurs points, quatre points, puis ensuite il va mentionner les conditions de la foi en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Muhammadur Rasulullah. Qu'est-ce que ça signifie? Donc le cheikh il dit اولا معرفة شخصه وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلاته وسلامه. Donc il dit premièrement il faut le connaître lui en tant que personne. Qui est-il? Eh bien son nom c'est Muhammad, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fils de Abdullah, qui était le fils de Abdul Muttalib, qui était le fils de Hashim. Et ça c'est sa généalogie, mais raccourci, parce que si on retourne dans les livres qui expliquent la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on peut aller jusqu'à plus qu'une vingtaine dans la génération, dans sa généalogie, et donc ça c'est juste un résumé. Et Hashim, il fait partie donc de Quraysh, de la tribu de Quraysh, et Quraysh il fait partie des Arabes, et les Arabes sont les descendants de Ismaïl qui était le fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un des descendants du prophète Ibrahim par son fils Ismaïl, puisque Ibrahim alayhi salam il a eu deux fils, Ismaïl et Ishaq. Donc par Ishaq il y a eu les fils d'Israël, hein, puisque Abraham a eu Isaac, et Isaac a été le père de Jacob, et Jacob a eu 12 fils, et de ces 12 fils-là viennent les 12 tribus d'Israël. C'est pour ça qu'on les appelle Banu Israël, parce que Jacob, son nom c'est Yaakoub, son nom c'est Israël, il s'appelle Israël. Donc quand on dit fils d'Israël, ça dit fils de Jacob en fait, et donc c'est de là que viennent les 12 tribus qu'on appelle aujourd'hui les tribus de Israël. Hein? Et en ce qui concerne l'autre branche, c'est-à-dire Ismaïl, hein, alayhi salam, eh bien, c'est le fils de Ibrahim. Et dans cette généalogie-là, il y a eu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit ثانيا ومحبته فوق محبة النفس والمال والوالد والولد. Donc une deuxième chose qu'on doit avoir par rapport à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on doit l'aimer plus qu'on s'aime soi-même. Et on doit l'aimer plus que nos biens, notre argent ou les choses qu'on possède. Et il faut l'aimer plus que nos parents et plus que nos enfants. Hein? Donc ça c'est yani, des choses, des aspects qui sont impliqués dans le fait de croire et de connaître notre prophète. Hein? De croire en notre prophète et de le connaître. Pourquoi on doit l'aimer plus que tout ça? Pourquoi on doit l'aimer plus que nous-mêmes, et plus que nos biens, et plus que nos parents, et plus que nos enfants? C'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est venu nous amener la guidance. C'est lui qui nous a amené en fait la voie vers le salut, hein, et qui nous amène vers le paradis, et qui nous a enseigné tout ce qui est nécessaire pour nous pour y arriver, et qui nous a mis en garde et qui nous a avertis contre tout ce qui peut nous faire tomber en enfer. Donc à cause de ça, il est la personne qui nous a procuré le plus grand bien par rapport à toutes les autres créatures. Même nos propres parents ne peuvent pas nous ramener cette guidance-là. Et même nos enfants, la même chose. Et même nos biens, et même nous-mêmes, sans la guidance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée, on est perdu. Et donc, à cause de ça, il mérite de notre part qu'on l'aime plus que toutes ces choses-là. Hein? C'est dans ce sens-là qu'on doit l'aimer de cette façon. Et bien entendu, ça c'est un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas qu'on l'aime lui en tant que personne juste par sa personne, hein? Comme par exemple peut-être que quelqu'un d'entre les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que certains d'entre eux vont aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'est-ce qu'il était en tant qu'être humain, mais ça c'est pas suffisant pour être croyant. Si on l'aime, on doit l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de l'aimer par rapport à la guidance qu'il a ramenée. Hein? C'est dans ce sens-là. Ensuite, il dit comme troisième point, wa mahabbatu ma ja'a bihi sallallahu alayhi wa sallam jumlatan wa tafsilan. C'est-à-dire que ça implique d'aimer tout ce qu'il a ramené de la religion, de façon générale et de façon spécifique. Donc, si tu dis que tu es musulman, tu peux pas dire je suis musulman mais ça j'aime pas ça dans l'islam. Hein? Tu peux pas dire cet aspect-là de l'islam non, je l'aime pas, mais ça je l'aime, mais l'autre j'aime pas. Si tu es musulman et que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, tu dois aimer tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, qu'est-ce qui est dans le Coran et qu'est-ce qui est dans la Sunna, sans exception. Tu peux pas choisir qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimes pas. Hein? Puisque tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a des choses que tu n'aimes pas, c'est soit dû à ton ignorance, ou soit dû à ton manque de foi, et à ton manque de compréhension. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois étudier, tu dois apprendre ta religion correctement, et tu dois essayer de travailler sur ta foi pour comprendre quelle sagesse il y a derrière ces choses-là, puis par la suite, ça va t'amener à les aimer, ces choses. Hein? Parce qu'on a des fois certains individus ou certaines personnes qui n'ont pas étudié leur religion correctement, qui n'ont pas étudié la charia d'Allah, et donc ils vont dire par exemple « Ah, moi j'aime pas le voile » ou bien « Ah, moi j'aime pas telle ou telle règle dans l'islam. Dans telle règle, il y a une punition pour tel crime, si quelqu'un le commet, on va lui appliquer telle peine dans la charia de l'islam. » Donc il y en a qui vont dire « Ah, moi j'aime pas ça » ou « Je suis pas d'accord avec ça. » On n'a pas le droit, en tant que musulman, de dire qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses dans l'islam. Si c'est prouvé dans le Coran et si c'est clair dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas les hadiths faibles ou des choses que les gens ont inventées, je dis un hadith qui est authentique, hein, et que les savants ont accepté comme étant une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix de l'aimer et de l'accepter. Sinon, il y a un problème dans ta foi. Et souvent, les non-musulmans, les kuffars, les journalistes ou autres, ils vont venir demander des questions aux musulmans. Ils vont dire, vous, qu'est-ce que vous pensez de telle règle dans l'islam? Ou qu'est-ce que vous pensez de telle chose en islam? Et la réponse du musulman, peu importe quelle est cette chose, si ça fait partie de l'islam, tu dis à ce journaliste, parce que des fois, tu n'es pas au courant, ou tu ne sais pas, est-ce que ça fait partie de l'islam ou non? Dans ce cas-là, tu ne vas pas affirmer et tu ne vas pas nier. Parce que tu risques d'affirmer quelque chose sans connaissance, ou tu risques de nier quelque chose sans connaissance. Alors dans ce cas-là, pour éviter de dire quelque chose de faux à propos d'Allah, le mieux c'est de dire, si ça, tu dis à la personne, si ça, ce que vous dites, c'est réellement dans l'islam, que c'est prouvé par un texte du Coran clair et explicite, ou que c'est mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, alors dans ce cas-là, je l'accepte et je l'aime. Et je suis d'accord avec ça. Mais si ça ne fait pas partie de l'islam, si c'est pas dans le Coran, si c'est pas dans la sunna, dans ce cas-là, je l'accepte pas. Hein? Si c'est faux, je l'accepte pas. Et comme ça, au moins, tu t'es protégé d'inventer un mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de nier ou d'affirmer quelque chose avec ignorance. Donc ça, c'est un point important aussi. Ensuite, le cheikh, il dit comme point numéro 4, « وَالْعَمَلُ بِذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَخَشْيَةَ عِقَابِهِ » Donc le cheikh il dit comme quatrième chose, c'est non seulement d'y croire et de l'aimer et de l'accepter ainsi de suite, mais de l'appliquer, d'appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené et de l'appliquer avec espoir, c'est-à-dire quand tu l'appliques, tu as l'espoir en la miséricorde d'Allah et tu crains son châtiment également, tu crains le châtiment d'Allah si tu le fais pas. Donc ça, ça fait partie aussi des choses qui rentrent dans la question de connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de croire en lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, à ce sujet-là, il dit dans le Coran, dans un verset, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » Il dit, « Dis au Muhammad, aux gens, dis-leur, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. » Et Allah va vous aimer. Donc si quelqu'un te dit, moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou moi j'aime Allah, et qu'il ne suit pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne respecte pas ce qu'Allah a ordonné, alors tu vas lui dire, non, c'est pas vrai. Parce que si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais obéi, et tu l'aurais suivi. Et ça donc, les savants appellent ce verset-là, le verset de l'épreuve et du test. Le verset de l'épreuve et du test. Parce que c'est un test pour ta foi. Pour savoir si tu es un vrai croyant. Tu regardes. Si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout le monde peut prétendre avec la bouche, oui, je l'aime. Mais la preuve de ça, elle est où? Elle est dans l'obéissance et dans l'application. Et dans le fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un poète, un des savants de l'islam qui a écrit un poème sur la foi en islam. Et il a mentionné justement, il a dit, لو كان حبك صادقا لأطعته لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع. C'est-à-dire, si ton amour était sincère et véridique pour lui, alors tu l'aurais obéi. Parce que celui qui aime quelqu'un, il est obéissant envers celui qui l'aime. Hein? Donc c'est pas juste, hein, tu dis je l'aime comme ça, puis après tu fais tout le contraire de ce qu'il t'ordonne et tout le contraire de ce qu'il t'a montré. Ça c'est pas un amour réel. Ensuite le cheikh il mentionne, il dit à travers, il va expliquer, il dit وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ بِالتَّتَبُعِ وَالْاِسْتِقْرَى لِشَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ سِتَّةُ شُرُوتٍ. Le cheikh il dit que les savants, en recherchant, en lisant les textes de l'islam, du Coran et de la Sunna, ils ont ramené pour le témoignage de Muhammad Rasulullah, parce qu'on a expliqué dans le premier qu'on a dit la connaissance d'Allah, que c'est la connaissance de la ilaha illallah, que seul Allah mérite d'être adoré. Maintenant, le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah, il y a des conditions pour que ce soit valable et pour que ce soit accepté. Et les savants, en analysant les textes du Coran et de la Sunna, ils ont extrait 6 conditions pour que ce soit valable et que ce soit acceptable ta foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première condition, le cheikh il dit الشرط الأول الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا بالقلب. Donc la première condition, c'est de reconnaître son message et de croire en ce message intérieurement dans notre cœur. Ça c'est la première condition. Donc de reconnaître qu'il est venu avec un message et de croire en celui-ci et d'y croire intérieurement dans notre cœur. Et ça c'est ce qui vient, hein, nous distinguer de l'hypocrite. L'hypocrite, il dit qu'il croit avec sa bouche, mais dans son cœur il ne croit pas. Il est contre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Donc, c'est ça la différence. الشرط الثاني النطق بذلك والاعتراف به باللسان. La deuxième condition, c'est de l'exprimer et de le reconnaître verbalement avec la langue. Donc, c'est pas juste suffisant de dire je crois dans mon cœur, mais tu le dis pas avec ta langue. Il faut que tu le reconnaisses verbalement. Puisque, quand on regarde par exemple dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne des exemples à propos des juifs et des chrétiens, il dit, وَإِنَّ الَّذِينَ il dit, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ceux qui ont reçu le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. C'est-à-dire, quand ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont su que c'est un vrai prophète et ils l'ont reconnu comme étant un vrai prophète comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Mais ils n'ont pas voulu l'admettre. Ils n'ont pas voulu témoigner de la ilaha illallah. La même chose comme par exemple l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de dire la ilaha illallah. Il a refusé de le dire. Parce que il y avait Abu Jahl et un autre également qui était avec lui, qui disait, est-ce que tu vas abandonner la voie de tes ancêtres et de ton père? Est-ce que tu vas abandonner la voie de Abdul Muttalib? Et tu vas quitter la religion de tes ancêtres? Et avant de mourir, il a dit, je suis la voie de mon ancêtre Abdul Muttalib qui adorait les idoles et qui était sur le shirk. Et donc il est mort mushrik. Hein, il est mort mécréant et idolâtre. Donc, pourquoi je mentionne ça, c'est pour faire comprendre que Abu Talib, il disait dans un poème qu'il a écrit, il disait لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. C'est-à-dire, je sais que la religion de Muhammad, il fait partie des meilleures religions dans le monde. Hein? Et il dit لولا الملامة وحذار مسبة la kuntu samham bidhaka mubina. Il dit, si ce n'était pas la crainte des insultes de mon peuple et leur blâme, je l'aurais dit ouvertement. Donc, il refusait de reconnaître la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas parce qu'il niait la véracité de ce message, mais par crainte de son peuple et des blâmes de qu'est-ce que les gens allaient dire de lui. Hein? Et il y a encore des gens comme ça aujourd'hui, hein, que lorsqu'on leur présente l'islam, ils reconnaissent que c'est la vérité. Mais par peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Hein? Quelqu'un va dire, ah mais lui, s'il a suivi telle ou telle personne. Hein? Les gens vont commencer à se moquer de lui. Et ça, c'est le cas, pas seulement par rapport à quelqu'un des fois qui n'est pas musulman puis qui rentre dans l'islam, même par rapport à des fois des gens qui sont dans l'islam, mais qui, disons, sont négligents de certaines questions de la religion. Et que lorsque certains commencent à se remettre à pratiquer, comme par exemple à respecter les heures de prière, à appliquer par exemple certains aspects de la sunna dans leur vie, eh bien les autres membres de la famille commencent à dire « Ah, regarde, il commence à devenir un extrémiste. Oh, il commence à devenir un intégriste ou un religieux. » Et si cette personne-là commence à changer, elle va dire à un autre, hein, quand si quelqu'un d'autre commence à changer elle aussi, « Ah, tu l'as suivi l'autre, hein, tu te laisses influencer par celui-là, tu commences à te laisser. » Et il a peur de se faire dire ça, alors il refuse de commencer à pratiquer les choses qu'il a négligées par peur de se faire pointer du doigt ou de se faire associer ou le relier à une personne qui justement commence à respecter les règles de sa religion. Et des fois, c'est même parfois, selon ce que des frères m'ont mentionné et qu'est-ce que des gens m'ont dit, parfois c'est très très difficile à quelqu'un qui est né dans une famille musulmane mais qui n'est pas tellement pratiquante, c'est très difficile de revenir à la pratique de l'islam à cause des jugements de la famille. Comme par exemple une fille qui est née dans une famille où les gens ne pratiquent pas l'islam et qu'elle veut commencer à mettre le hijab et à se voiler islamiquement correctement selon les conditions de la charia, elle se fait juger par sa famille, elle se fait critiquer, même ils essaient de se moquer d'elle, ou même de la décourager de commencer à pratiquer l'islam. Et la même chose pour un homme aussi, s'il voit qu'il commence à laisser la barbe et à commencer à aller à la mosquée et commencer à s'abstenir de certaines choses interdites, eh bien là ils vont commencer à lui dire écoute, là tu devrais commencer à penser que il faut que tu penses à tes études, à ton avenir et tout, puis si tu commences à pratiquer l'islam comme ça, ben là tu vas avoir des problèmes, tu ne pourras pas arriver à ton objectif, et ainsi de suite. Et puis, il te décourage d'appliquer ta religion. Et il y a beaucoup de gens qui ont subi ces situations-là et qui ont beaucoup enduré beaucoup de difficultés à cause de ça. Donc ça c'est juste un exemple pour faire comprendre que des fois c'est pas seulement par rapport aux non-musulmans, dans une famille non-musulmane qu'on a à subir ça, mais même dans, à l'intérieur de l'islam, pour des gens qui sont nés dans des familles musulmanes, ils ont eux aussi parfois à subir ce genre de choses-là lorsqu'ils veulent revenir à la pratique. Ash-shartu ath-thalith al-mutaba'atu lahu fi al-'amal bima ja'a bihi amran wa nahyan wa tahlilan wa tahriman. C'est-à-dire, la troisième condition pour que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit valable, c'est que tu dois le suivre dans tes actions et dans tes pratiques de l'islam, dans ses ordres et dans ses interdictions, dans les choses qu'il a rendues halal et dans les choses qu'il a rendues haram. Tu dois le suivre dans ça. Donc ça c'est la troisième condition, de le suivre dans l'application et dans l'exemple. Donc de suivre sa sunna, hein, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous a enseigné de le faire. Et non pas de chercher à inventer de nous-mêmes des façons nouvelles, par exemple, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. الشرط الرابع تصديقه في كل ما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة. La condition numéro 4, c'est que tu dois croire en tout ce qu'il t'a informé de choses qui ont rapport au ghaib, c'est-à-dire au monde de l'invisible, les choses que tu ne peux pas connaître avec tes cinq sens, qui font partie du domaine de la foi et de la croyance. Tu dois les reconnaître si ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit que c'est dans le Coran, ou soit que ça fait partie de ce qui est mentionné dans les hadiths authentiques. Ça, c'est obligatoire de l'accepter et d'y croire. Même si tu penses que selon ton intelligence, ou selon ta raison, tu penses que ça fait pas de sens ou quoi, c'est à cause de ton manque de connaissance et ton manque de compréhension. Tu dois accepter et te soumettre à tout ce qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est authentique. Hein, que c'est dans les hadiths authentiques. On ne dit pas de ramener des hadiths faibles ou des choses inventées que tu dois accepter. Non, ça c'est, hein, ça c'est pas correct. Il y en a qui font ça, mais ça on n'est pas d'accord avec ceux qui font ça, mais on ramène les hadiths authentiques, hein, qui ont été rapportés dans les hadiths comme Al-Bukhari et Muslim et dans les autres livres de hadiths également dans les Sunan, mais qui ont été authentifiés par les savants de l'islam. Donc on est obligé d'accepter tout ce qui a rapport avec le raid. Soit que ça fait partie du raid du passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mentionné dans des choses passées qu'on n'a pas été témoins nous-mêmes, parce que c'est des choses qui n'ont pas, soit qu'elles n'ont pas été enregistrées, hein, par l'histoire, les gens n'ont pas mis ça en note, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé dans la révélation, donc on sait que c'est vrai. Ça fait partie du raid parce qu'on n'a pas moyen de le vérifier par autre que par la révélation. Et le futur aussi, c'est-à-dire le raid dans ce qui a rapport avec les choses futures qui vont arriver dans le futur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prophétisé l'arrivée de plusieurs choses, hein, et beaucoup d'entre elles qu'il avait prédit sont arrivées, et il y en a d'autres qui sont prédites aussi et qui vont se produire mais qui ne sont pas encore arrivées. Hein, comme les signes du jugement dernier et ainsi de suite. Il y a les grands signes, il y a les petits signes. Les grands signes, c'est vers la fin complètement. Tandis que au fur et à mesure que le temps avance, mais il y a des signes qui se sont produits déjà. Et on va en mentionner, lorsqu'on va parler du hadith de Jibril, on va mentionner quelques exemples de ça. Et ensuite, le cheikh il dit, comme condition, « Shartul khamis, mahabbatuhu ashadda min محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين. Donc ça on l'a mentionné dans les points tout à l'heure. C'est la cinquième condition, c'est de l'aimer d'un amour qui est plus fort que l'amour qu'on a envers soi-même ou nos biens ou nos parents ou nos enfants ou bien tous les hommes sur la terre. Ça c'est la condition numéro 5. La condition numéro 6 qui est la dernière condition. الشرط السادس تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. C'est-à-dire de donner précédence à sa parole devant toute autre personne, devant la parole de toute autre personne. Donc si quelqu'un il te vient avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu n'as pas le droit de dire non, moi je ne suis pas lui, je suis la parole d'un autre cheikh, qu'est-ce qu'il a dit, ou d'un autre imam, qu'est-ce que l'imam a dit, ou yani, de tel ou tel savant. Hein? Tu n'as pas le droit de faire ça. Encore pire que ça, c'est lorsque quelqu'un va dire non, je préfère par exemple qu'est-ce que tel ou tel philosophe a dit, ou qu'est-ce que tel ou tel penseur a dit. Il met ces paroles-là, de ces gens-là, devant la parole d'Allah et devant la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas acceptable, c'est pas correct, c'est contraire à l'islam. Donc, si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, tu dois mettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager devant la parole de quiconque. Et à ce sujet-là, il y a plein de preuves dans le Coran. On en a mentionné dans les cours qu'on a fait au début. Et si vous voulez, on peut en mentionner juste là quelques-uns. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Sourate Al-Hujurat. Ô vous qui avez cru, ne dépassez pas Allah et son messager. Hein? Ne vous placez pas devant Allah et son messager. Ça implique de pas mettre nos propres opinions devant le hadith, de pas mettre la parole d'un cheikh ou d'un savant ou d'un madhhab devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la parole d'un idéologue, ou bien d'un philosophe, ou bien d'un penseur, ou bien d'un quiconque, devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est très important, que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe devant la parole de quiconque, et l'application de sa sunna a priorité sur toute autre chose. Ensuite, le cheikh il dit: وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة عموم رسالته فإنها ليست خاصة بالعرب وإنما هي رسالة عامة شاملة لكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض من عرب وعجم وذكر وأنثى وحر وعبد وقاص ودال بل وإنس وجن حيث قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكلمة الناس تشمل جميع الأناس وأكد هذا المعنى في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكلمة كافة يعني تفيد العموم فلا يخرج عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم يعني Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé de transmettre son message à toute l'humanité de façon générale. D'accord? Et c'est pas un message qui est spécifique aux Arabes. Hein, parce qu'il y a des gens comme ça qui disent ça, surtout parmi les Arabes chrétiens. Hein? Ils vont dire, par exemple, parmi les Arabes chrétiens, ils disent, oh, l'islam c'est juste pour les Arabes, mais eux-mêmes ne sont pas musulmans. Donc déjà ça, c'est une contradiction. Mais il y en a qui vont dire ça. Ils vont dire, l'islam c'est juste pour les Arabes et ce n'est pas pour tout le monde. Et le cheikh, il dit non, le message de l'islam c'est pour tous les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tous les hommes partout sur la terre, peu importe leur origine. Peu importe leur couleur, peu importe leur langue, qu'ils soient arabes ou non arabes, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient libres ou esclaves, peu importe, même si ce sont des êtres humains ou bien des djinns, hein, parce qu'il y a un monde qui existe, qui est un monde parallèle à notre monde, qui est invisible, qu'on ne peut pas voir, mais qui sont les djinns, hein, et les diables font partie de ceux-là. Parmi les djinns, il y a ceux qui sont obéissants et qui croient en Allah, et parmi eux, il y en a aussi qui sont désobéissants et qui rejettent la foi en Allah, ceux-là sont les diables. Hein? On les appelle des shayatins en arabe, et Iblis, hein, le premier, celui qui a refusé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala par arrogance, hein, qui a refusé de se prosterner devant Adam, eh bien, lui, il faisait partie des djinns. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans Surat Al-Kahf. Si je me souviens bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Donc Iblis fait partie des djinns, il ne fait pas partie des anges, il ne fait pas partie des hommes non plus, il fait partie des djinns. La différence entre les hommes et les djinns, c'est que les hommes, à leur origine, c'est la terre. Allah les a créés de la terre. Il a créé Adam de la terre. Puis, l'Iblis, ou les djinns, à l'origine, ils sont créés de feu. Tandis que, comme c'est mentionné dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges, eux, sont créés de la lumière. D'accord? Donc, il y a une différence entre les hommes, il y a une différence entre les djinns, et il y a une différence entre les anges. Et la différence entre les hommes et les anges et les djinns, il y a une autre différence aussi, c'est que les anges, eux, comme on va en parler plus tard, mais les anges, ils n'ont pas de liberté de choix d'action. Ils sont créés pour obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis que les hommes et les djinns, ils ont un libre arbitre, ils ont un choix de choisir l'obéissance ou la désobéissance. Hein? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, les a créés avec cette liberté et ce choix, cette capacité, dans le but de les mettre à l'épreuve et de les tester dans leurs actions. Donc, ça c'est pour expliquer que le messager est venu pour toute la création, tous les êtres humains et les djinns. Et il mentionne le verset 158 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement: dis au Muhammad, aux hommes, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Je suis le messager pour vous tous, c'est-à-dire sans exception. C'est pas juste pour un peuple et non un autre, non, tout le monde, sans exception. Et le terme nas, ça implique tous les hommes, sans exception. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé cette signification-là dans un autre verset, dans Surat Saba, le verset 28, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Et nous ne t'avons envoyé que pour tous les hommes. Nous t'avons envoyé que comme avertisseur et annonciateur d'une bonne nouvelle pour tous les hommes. C'est-à-dire sans exception. C'est pas juste pour un peuple, et non. Parce que c'est ça, il y en a qui disent, il est envoyé pour les Arabes. Quand on dit les Arabes, les chrétiens, quand je dis que les chrétiens, tout à l'heure j'ai dit les chrétiens arabes, ils disent, il est envoyé juste pour les Arabes, en voulant dire juste pour les Arabes mouchriquines. C'est-à-dire les Arabes qui adoraient les idoles. Pas pour les Juifs et pour les chrétiens. C'est ça qu'ils disent, ou c'est ça qu'ils prétendent. Mais ça, c'est faux. Hein? Et le cheikh, il va mentionner les preuves de ça par la suite. Déjà, on a mentionné ce verset-là, qui implique de façon générale que c'est pour tous les hommes. Et il explique justement que le terme dans le verset, illa kafatan linnas, kafatan, ça veut dire tous les hommes, sans exception, c'est général. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit: وأكد هذا وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم وهذا الشمول بقوله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Qu'est-ce que ça signifie ce hadith, qui est un hadith authentique rapporté par l'imam muslim dans son sahih? Il dit que le cheikh, en fait, avant, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé encore une fois cette signification, le sens qu'il est envoyé pour tous les hommes sans exception, peu importe leur religion, hein, c'est-à-dire que tous les hommes doivent croire en lui, peu importe leur religion, peu importe leur origine, peu importe leur peuple. Il a confirmé ça dans le hadith authentique rapporté par Muslim qui dit « Je jure par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main. » C'est-à-dire, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que nul d'entre les juifs et les chrétiens de cette umma entendront parler de moi, puis mourront sans avoir cru en ce avec quoi je suis venu, sans avoir cru en l'islam, excepté qu'ils seront parmi les gens du feu. Et ça, c'est un hadith clair et authentique à ce sujet-là. Que si un juif ou un chrétien, l'islam lui est parvenu, hein, de façon claire et de façon compréhensive, qu'on lui a expliqué et clarifié le tawhid et la réalité de l'islam, puis qu'il meurt sans avoir accepté, sans avoir cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Hein? Donc ça c'est très important parce qu'à notre époque, il y en a des gens qui prétendent que les juifs et les chrétiens ne sont pas des mécréants ou des koufars. Il y en a qui disent non, les juifs et les chrétiens ne sont pas des mécréants, ils disent ce sont des gens du livre, ils ne sont pas des koufars ou ne sont pas des mouchriquins. Et ça c'est faux. Ce sont des koufars. Même si ce sont des gens du livre, ce sont des koufars quand même. C'est vrai que c'est possible que, à l'époque où ces gens-là ont suivi leur messager, et qu'ils l'ont suivi réellement, comme par exemple à l'époque de Moussa, alayhi salam, s'ils ont réellement cru en Moussa, alayhi salam, et qu'ils n'ont pas changé la religion, et qu'ils l'ont respecté telle qu'elle, hein, dans ce cas-là, on dit oui, à leur époque, eux, c'était des croyants, des musulmans, et ceux qui ont cru en Isa alayhi salam, et qui ont cru en lui, et qui ont cru en son message tel quel, tel que Allah lui a mentionné et a pris le message, et qui n'ont rien rajouté, hein, qui n'ont rien enlevé, rien rajouté, ceux-là, oui, sont des musulmans, sont des croyants. Mais ceux qui, après la venue de Isa, après la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, refusent de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et refusent de croire en le Coran, ceux-là ne sont pas des croyants. Même s'ils se disent des gens du livre, c'est vrai, parce qu'ils ont reçu un livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il les appelle des gens du livre dans le Coran? C'est pour leur faire comprendre qu'ils ont plus de proximité ou plus de lien avec les musulmans que les autres qui n'ont pas reçu de livre. Donc, puisqu'ils ont reçu de livres, ils devraient encore plus accepter et croire au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les autres qui n'ont pas reçu de livres. Comme par exemple, les Arabes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui adoraient les idoles. Hein? Et une fois, justement, j'ai rencontré quelqu'un qui est converti à l'islam parmi les gens qui viennent du Japon. Et il m'a dit, oui, mais nous, on n'avait pas de messager. On n'a pas reçu de messager. On n'a pas reçu de livres. Hein? Donc, dans ce cas-là, comment tu peux dire que l'islam s'adresse à nous? Et comment nous on peut comprendre l'islam? J'ai dit, oublie pas que le peuple à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en premier faisait partie des peuples qui n'ont pas reçu de livre eux aussi. C'est-à-dire que les Arabes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu parler de l'islam en premier, ils n'ont jamais eu de livre. Ils adoraient des idoles. Hein, ils croyaient à toutes sortes de croyances contraires à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu parmi eux et les a appelés à l'islam, les a appelés au tawhid, les a appelés à la religion. Donc c'est la même chose. Hein? Et donc je lui ai expliqué, parce qu'elle me disait qu'elle était dans le bouddhisme par exemple, je lui ai expliqué, je dis, dans la société au Japon ou bien dans d'autres sociétés comme ça, en Inde ou ailleurs, eh bien il y a beaucoup de croyances qui sont semblables aux croyances des Arabes dans la période pré-islamique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et parce que la personne disait, oui, mais il y a beaucoup de choses dans l'islam qui sont contraires à notre culture, contraires à nos traditions. Hein? J'ai dit, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi son propre peuple, il est venu contredire plein de traditions des Arabes et plein de la culture des Arabes. Hein? Donc, il y en a qui disent aujourd'hui, l'islam c'est la culture des Arabes. C'est pas vrai. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son propre peuple, il n'a pas été accepté parce qu'il contredisait les principes et les coutumes et les traditions des Arabes de son époque. Hein? Et à cause de ça, il a été combattu, ils ont même essayé de le tuer parce qu'il appelait à l'unicité d'Allah. Et la culture des mouchriquines à l'époque, c'était établie et basée sur l'idolâtrie. toutes les relations sociales qu'ils avaient entre eux étaient établies autour de l'adoration des idoles. Quelqu'un qui venait opposer ça, il venait opposer le centre même de la culture des Arabes de cette époque. Et malgré ça, c'est sur ce point-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté son message et sa mission. Donc, c'est pour combattre l'idolâtrie en premier. Puis par la suite, plein de choses, des aspects de la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, par ses enseignements, rejeter et contredire plein des règles et des traditions des Arabes. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement à ce sujet dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans sourate Luqman, ولئن سألتهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. C'est-à-dire, et si tu leur dis, وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله, suivez ce que Allah a révélé, ils disent, nous on suit ce que nos ancêtres ont dit, on ne veut pas suivre ce que Allah a révélé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Même si le shaitan était en train de les appeler à la fournaise, vous allez les suivre quand même. Et dans d'autres versets, il y a des versets semblables à ça. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent, on se base sur qu'est-ce que nos ancêtres font. Et ça, parfois, même parmi ceux qui sont musulmans, aujourd'hui, qui suivent des aspects ou des versions, ou des déformations de l'islam, eh bien, quand tu les appelles à la sunna, et tu leur dis, il faut abandonner certaines de ces pratiques-là, ils disent, non, nous, on suit nos ancêtres. Qu'est-ce que nos ancêtres pratiquaient? C'est ça l'islam pour nous. Eh bien, il faut leur faire comprendre, il faut leur dire ce verset. Non, c'est pas qu'est-ce que tes ancêtres suivent qui est l'islam. C'est qu'est-ce que Allah a révélé l'islam. C'est pas qu'est-ce que tes ancêtres ont suivi nécessairement. Puisque c'est possible que tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils font, c'est en accord avec la révélation. Et c'est possible également que ce soit en contradiction avec la révélation. Alors, si c'est en accord avec la révélation, tu peux le suivre. Ça, c'est au contraire, c'est bien. Mais si c'est en contradiction, là, tu n'as pas le droit de le suivre. Tu dois changer ça. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça et de comprendre ce hadith. Donc, à propos des gens qui disent que les juifs et les chrétiens sont des croyants, des choses de ce genre, et il y en a qui vont te dire, non, il faut pas dire koufar, il faut pas dire mouchrikine. Il y en a qui disent, ah mais non, on est dans leur pays, il faut pas dire ça. On est dans leur pays, il faut pas dire ça. Ils disent, subhanallah. Yani, déjà, quand tu regardes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était où quand il a commencé sa da'wah? Il était en plein milieu de son peuple, et il parle pas une langue que les gens comprennent pas. Il parle une langue que les gens comprennent. Et Allah, il révèle dans le Coran le mot kafir, le mot kuffar. Et il révèle dans le Coran le mot mushrik. Est-ce que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récite le Coran et qu'il dit mu'min, ou qu'il dit kafir, ou qu'il dit munafiq, ou qu'il dit kafir, les gens ils savent pas, les Arabes ils comprennent pas la signification de ces mots-là. Au contraire, ils comprennent très bien qu'est-ce que ça signifie. Et justement, c'est dans le but de leur faire comprendre et leur faire connaître la réalité de qu'est-ce que ça implique d'être un vrai musulman et qu'est-ce qui s'oppose au fait d'être un musulman, c'est-à-dire de commettre le shirk ou de commettre le kufr ou des choses de ce genre. Et de dire, par exemple, on est dans leur pays, il ne faut pas dire ça. Ça, c'est les gens qui viennent avec la mentalité, non pas qu'il faut les inviter à la foi, mais avec la mentalité qu'il faut venir ici pour s'intégrer et vivre comme eux. Et faire tout ce qu'ils font, ou accepter tout ce qu'ils font. Et ça, c'est pas la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun des messagers d'Allah qui est venu avec ça. Isa alayhi salam, il s'est fait contredire et opposer par son propre peuple. Et tous les prophètes, Moussa alayhi salam, et tous les messagers d'Allah, ils ont subi des difficultés dans leur da'wah et dans leur message quand ils sont venus à leur peuple. Est-ce qu'ils allaient changer le message à chaque fois qu'ils viennent pour faire plaisir aux gens? Non. Donc le but, c'est bien entendu pas de dire aux gens, vous êtes des mécréants, vous êtes des mouchriquines. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être capable de distinguer entre qu'est-ce qui est la foi et qu'est-ce qui est opposé à la foi. Et qui est sur la vraie voie et la vraie religion, et qui est sur ce qui oppose la vraie religion, dans le but d'être capable de distinguer entre les deux, et dans le but par la suite d'être capable de les inviter à la foi et de leur faire connaître le message de l'islam. C'est pas juste de dire de, hein, aux gens, ah, toi t'es un kafir, toi t'es un mushrik, toi t'es ci, toi t'es ci. C'est pas de lancer des attaques ou des insultes. Le but c'est de connaître la distinction entre les deux pour être capable de faire transmettre le message et de faire connaître justement qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est incorrect. Now, just a little chapter, okay? Inshallah. Ensuite, le Cheikh il dit, فدعوى اليهود ودعوى النصارى ودعوى من يدعي أنه يعبد الله بكتاب سابق للفرقان بعد نزول الفرقان ومن أنزل الله عليه الفرقان فدعوه باطلة وهو كاذب في هذا الادعاء لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفرقان مهيمنا على جميع الكتب وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لجميع الرسل والأنبياء ولا يجوز لأحد أن يتعبد إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. Donc le cheikh il dit que donc si le juif prétend ou le chrétien prétend ou toute autre personne prétend qu'il vient pour adorer Allah avec un livre qui a été révélé précédemment, c'est-à-dire avant le Coran, alors cette prétention-là, elle est rejetée. Si quelqu'un dit, moi je vais adorer Allah, mais je me base sur la Torah, ou je vais adorer Allah, je me base sur l'Injil, ou sur un autre livre. Ça, c'est une prétention qui est fausse et qui est rejetée. Et le Cheikh, il dit, il ment dans cette prétention-là, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, que le Coran, il a dit, wa muhaiminan alayhi, c'est-à-dire, il est venu prendre le dessus sur les révélations précédentes et il vient abroger ce qui était révélé précédemment. Donc quelqu'un ne peut pas dire, ben moi aujourd'hui j'ai adoré Allah avec un livre précédent, c'est pas accepté. Et il y a des chrétiens parfois quand ils viennent pour essayer d'appeler surtout les témoins de Jéhovah, ils ont les petits livres même en arabe, ils viennent avec leur truc, ils disent, oui mais dans le Coran c'est écrit, il faut suivre la Bible, il faut suivre, ou bien ils vont dire, il faut suivre la Torah et l'Injil. Et ils vont mentionner un verset qui dit, Ya ahl al-kitab, lestum ala shay'in hatta tuqimu al-Tawrat wal-Injil. Hatta tuqimu al-Tawrat wal-Injil. Dans Surat al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh vous les gens du livre, vous n'êtes sur rien tant que vous n'avez pas établi la Torah et l'Injil. Et il s'arrête. Il ne continue pas le verset. Mais si tu continues le verset, Allah dit, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Et ce qui a été révélé sur vous de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran. Et ensuite, Allah dit, وَلَا يَزِيدَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ça veut dire, et ce qui a été révélé sur toi va augmenter beaucoup d'entre eux en mécréance et en transgression. Hein? Donc, yani, ne sois pas triste donc, pour les peuples mécréants. Donc, c'est pour dire qu'ils utilisent une partie du verset et laissent l'autre. Et donc, nous, on dit oui, on croit en l'Injil, on croit en Torah, mais ce que vous possédez aujourd'hui, c'est pas le vrai Injil et c'est pas la vraie Torah. Et le Coran, même si c'était vrai, le Coran a précédence par-dessus. D'accord? Et donc, si vous prétendez vouloir suivre autre que la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sera pas accepté. Et le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il ne parle pas selon la passion, comme Allah il le dit dans le Coran. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire, il ne parle pas selon la passion. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation qui lui a été révélée. Donc, il faut comprendre ça, que sa sunna, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici, parce que c'est l'heure de l'adhan pour l'Isha, et puis on va, Inch'Allah, continuer mercredi prochain, bi'idhnillah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.